Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Salut toutes tous, on continue à explorer le pop-rock dans le blues. On commence avec Little Bob en 2005, un double CD qui s'appelle The Gift. Et comme il est souvent tourné vers l'Angleterre, il nous a proposé sur le deuxième CD quelques reprises de groupes anglais, entre autres. Alors moi, j'ai sélectionné cette semaine le Midnight to Six Man des Pretty Things, un groupe légendaire anglais des années 60 qui a connu quelques succès bien moindres que les Stones ou Kings ou Beatles, bien sûr. Little Bob reprend donc Midnight to Six Man. Le son de ce double CD est pas live, mais c'est brut, c'est spontané. Hein, bien que la pochette pourrait nous faire croire que c'est un album enregistré en public, eh bien non, c'est quand même du studio, mais vous allez voir, ça dépote. Little Bob en 2005, Midnight to Six Man. I've never seen so many people. Can do anything to me. See you anytime. I'm feeling fine. That's my time. That's your time. On se calme avec Mr. Matt de ses Lockdown Sessions de 2020. Je vous propose Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Tiens, à ce propos, je vais vous parler d'un livre. Jacques Collin a publié il y a quelque temps « Johnny Cash s'est évadé », 13 janvier 1968, « La résurrection de l'homme en noir ». C'est paru chez Castor Astral, dans la collection A Day in the Life. Je vous le recommande fortement, j'en parlerai plus longuement sur le groupe Facebook de la chaîne du blues. En attendant, voici donc Mr. Matt, Folsom Prison Blues. Hear the train a-coming, it's rolling around the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. But I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to Sarnton. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't have a play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Oh, rich folks sitting in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and they're smoking big cigars. But I know I had it coming, I know I can't be free. But those people kept it moving, and that's what Todd tells me. They freed me from this prison here. That railroad train was mine. I bet I knew it all a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I let my lonesome whistle blow in my blues away. Ah, ça rigole bien sur la pochette du nouveau disque de Jerry T and the Black Alligators, paru en 2021. C'est un quintet fort sympathique avec Jerry T, guitare, lead vocals, Nico Ostiou à la basse, Fabien Maragé à la batterie, JP Armaud à l'harmonica et Eric James au saxophone. Je les avais rencontrés au Tremplin Blues sur scène et puis aussi à Cahors. On a passé quelques bons moments de rigolade et de musique là-bas. Et voici donc une chanson. Alors, c'est un peu la surprise du chef, car ce n'est pas une reprise d'une chanson anglo-saxonne, mais c'est une adaptation en anglais d'une chanson française. Je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est-il que cet original qui devient, par la magie de Jerry T and the Black Alligators, All the Music That We Love. Well, all the music that we love, it comes from there comes, from the blue. Words, they're never the same, to tell about those damn blues. Songs about joy, songs about pain, and this is how I feel the blues. I sing it as long as I love it. I'll never stop singing my blues. A long time ago on those guitars, South songsters gave it birth, sharing their hopes, sharing their tears. Songs about God and about love. Well, all the music that we love is all the music that we love. Well, all this music that we love comes from the blues. Leave on as long as the blues live. The blues, it mean that I love you, but it hurts so much I could die. I cry but I will sing along. This is my prayer to hold you so closer to me. Now all the music, all this music that we love comes from vivant. As long as the blues you be, and it hurts so much I could die. I cry, but I will sing along, and this is my prayer to hold you so close to me. Now all the music I will learn, it comes from the blue. It's all the music that we love, but we love, but we love. It comes from the blue, baby. Now the music will leave on as long as the blues live. Play the harmonica now. C'est bien toute la musique que j'aime de Johnny Hallyday. Fallait oser et ils l'ont fait. Je vous signale aussi que Miguel M a repris ce titre en français en bonus. Alors je ne sais plus si c'était caché ou pas à la fin d'un de ses disques. On change une nouvelle fois d'atmosphère avec le groupe bordelais Soul Gumbo. Ce groupe bordelais est emmené par Rémi Balz, guitare et chant, et Tiffany Slim, basse et chant. On les a connus derrière Mr. Chang, au sein de Texas Sluts, par exemple, ou de Red Hot Blues Caravan. Et puis, ils ont aussi accompagné la chanteuse louisianaise Bridget Basile. Bref, ce sont des... non pas des vieux briscards, parce qu'ils sont encore jeunes, hein, je ne sais pas, ils doivent avoir dans les 40 balais, mais ils ont de l'expérience dans le groove du côté de Bordeaux. Ils m'ont fait l'amitié de m'envoyer leur nouveau EP, paru donc en 2021. Et dans ces influences, toujours blues, soul, il y a des reprises et des compos. Mais comme le thème de mon émission, ce sont les reprises, je vous propose It's Alright des Impressions et Curtis Mayfield. Voici donc Soul Gumbo, It's Alright. Gonna move it slow. When the lights are low, when you move it slow, it sounds like more. And it's alright. Oh, it's alright. Now listen to the beat. C'était Soul Gumbo. Et puis je vous conseille leur vidéo sur YouTube d'un titre de leur composition Just Like Pancakes. On va terminer l'émission avec Same Player Shoot Again, un groupe qui fait dans les Kings, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, 2018 je crois, ils ont proposé l'album Our King Freddy. Et puis là, en 2021, il propose Our King Albert. Je vous avais fait découvrir il y a quelque temps Get Out of My Life Woman, titre de Lee Dorsey, Alain Toussaint. Et cette semaine, ça sera le fameux Honky Tonk Woman des Rolling Stones. Voici donc Same Player Shoot Again. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. I met a gypsy for a queen in Memphis. And on the street, the summer sun to try. I have a grown in Memphis. I just can't see. easy to drink her, oh mama. She's a honky-tonk woman. Give me the honky-tonk blues. Yeah, she's a C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.